comme des boss, depuis le siège, c'est que ça les lave les deux mains dans les poches. Est-ce slim ou les pins secs? Technique noire, on n'est pas dans les normes. Y'a de la crème, première presse, au moins la range, la 2R peut-être. Négro, y'a pire que les coches, y'a Whiska, j'suis à des cas gros blunt à l'huile. Frotte les mains, ils sont morts les doigts. J'ai du sort, musique au V-Squad. Double 6-7 dans le fort des rois. 2K18, fume blunt doré squad. On arrive, fonce comme Ja. Tous high, plante comme Lufthansa. Tellement vif, aux aiguilles Jackmana. Pour les sous, comme un tellement juif. NRM, c'est nous, on fait le barème. On a le soleil des torches. Ils sont dans le flou, donc ils voient ultra R. Prends tout l'orgue, on les coach. Dans peu de temps, OVG, je rachète tout. À quoi de gaz dans les Porsche. MMS, OV, la gâchette bouge. De loin, de près, on les shot. Hein, pas besoin. Fuck avec Alistair dans le game, que des méconnaisseurs. Ça cherche, là où se cache les housses. Minutieux quand crache les douilles. Maestro, mort au rat. Fuck les vins, je veux pas les voir. Que des fakes, je veux pas les croire. À gros son sans un mystère les voir. Dans le woods, j'ai mis 4 variètes. Dans le stock, toujours 4-20, ouais. De flow, en stock en a 1000. Consomme, c'est good Jack Daniel. FLRG, gros c'est des depths. Il postule pour un CDD. Ça maille fort comme un bull. Au-dessus, posté comme Michael. 41 comme Nowitzki. Minimum 5 à domicile. 2018, Nibiru, rien que ça légit, fait des homicides. Parafran, Tadou, connaît Rambala. Les lions bouffent les loups, on mène le reste, fume terre de Kandahar. Hein, j'ai découpe les lescales. Fume nos pets, tu restes jam. Deftat, prépare les algorithmes, gros sort du Rechtat. Gros, t'as pas les mêmes dames. De 5G, le même dame. S-Olra et le big différent de variété de M-Gen. Hein, de Sklo comme Yao Ming. FLR, tu connais la secte. Tu payes genre Tao Beach. Hein. Tu veux de la là où tiens, tu veux nous voir, on est là où tiens. 3K c'est ça ou rien dans le plan final comme les Saoudiens. Putain t'es grave deep, dans la matrice j'vais grave pim. C'est à la main qu'on lave, ouais. 6-7 on les lave, ouais. Bâtard, invisible au putain radar. Fume la bœuf à Floyd. 6-7, négro fuck un choy.